Vraiment, maman, tu égares toujours ton sac. Je sais, je les garde toujours. Le voilà, là, sur la chaise. Ne bouge pas, je vais te donner ton sac. Alors, et l'adresse du coiffeur? Non, je ne la trouve pas. Oh, pardon, la voilà. Oh non, alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas d'argent. Papa a beaucoup d'argent. Où est-il, papa? Chez les Martins, peut-être. Tant pis, je vais changer d'échec de voyage. D'abord, je me maquille. À propos, où est mon rouge à lèvres? Et ma poudre de riz? Les voilà, sous la chaise. Merci. Eh bien, ça y est, je suis prête. À tout à l'heure.